en 2020 la pire fréquence. D'accord. Donc en France, on en perd 150 000, 200 000 appendicitomies par an. Je vous dis que l'appendicite aiguë peut revêtir plusieurs formes cliniques. D'accord. D'où le nom d'appendicite aiguë avec S. Donc, hein, il y a plusieurs tableaux cliniques. Il y a plusieurs formes qui sont parenthèses. Les points essentiels qu'on peut noter dans l'introduction, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Oui. Très bien. Donc il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique, donc c'est le problème diagnostique. Il est sûrement posé. C'est-à-dire, on peut avoir un appendice compliqué, on a un stade avancé, alors que la clinique, elle est pauvre. D'accord. Et le contraire, on peut avoir un appendice, on a une appendicite compliquée, un tableau clinique grave, alors que l'appendice, cliniquement, hein, voilà, anatomopathologiquement, macroscopiquement, si on fait l'étude, l'appendice, il paraît relativement plus ou moins sain. C'est l'exemple d'appendicite chez le nourrisson. Ou bien l'appendicite endomycèse microsante. Vous trouvez un tableau de choc infectieux alors que macroscopiquement, les signes cliniques sont graves, sont manifestes, alors que macroscopiquement, l'appendicite paraît sain. Ce n'est qu'à l'étude anatomopathologique qu'on peut voir la lésion. Deuxièmement, l'évolution est imprévisible. C'est-à-dire, une fois l'appendice est malade, on ne peut pas prévoir l'évolution. Est-ce qu'il va évoluer vers la guérison, vers le plastron, vers l'abcès, vers la péritonite? Donc l'évolution, elle est imprévisible. Il faut dire que parmi les appendicitomies, du moins ce qui est nouveau, la tendance actuelle, donc on a remarqué que parmi les appendicitomies, parmi toutes les appendicitomies réalisées, il y a 25% d'appendices qui sont à l'étude anatomopathologique simples. Donc c'est des appendicitomies, on peut dire entre parenthèses, qui sont des appendicitomies abusives. Donc c'est par ici, parce que c'est des appendicites. C'est pour cela. Maintenant, pour éviter ces appendicectomies, imaginez vos opérations appendicectomies, 25% sont des appendicites. Parce que n'importe quel malade douleur transitaire de droite, donc ils vont enlever. Et parmi les appendicectomies, 21% des malades seront réhospitalisés pour des complications. Dans les années, dans les 10 ans qui suivent l'appendicite, c'est-à-dire s'il y a 100 malades opérés, il y a 25% environ qui sont des appendicites sains. D'accord. Et parmi les 100 malades, parce qu'on a enlevé les appendices, 21% seront réhospitalisés dans les 10 années qui suivent. Pour des complications. Les complications les plus fréquentes, c'est surtout les occlusions surprises. Il y a toutes les occlusions. Donc c'est très plutôt. J'espère que c'est l'essence. Donc parmi les 21%, 2% sont réopérés. Donc c'est pour éviter les laparotomies et l'excision. Donc il y en a, c'est l'amènement, l'intérêt des examens complémentaires pour poser un diagnostic exact. Donc, l'intérêt des examens complémentaires, l'intérêt, maintenant, il y a des scores, si vous voulez les prendre à la fin. Donc, il y a des scores biocliniques et radiologiques qui ont été établis. Donc, les scores, c'est des paramètres, c'est-à-dire défense, fièvre, hyperleucocytose. Donc, il y a des signes cliniques, l'âge, le sexe. Donc, il y a différents scores. Et en fonction du score, le diagnostic d'appendicectomie est soit posé, soit douteux, soit il n'y a pas d'appendicite. Donc en utilisant ces scores, donc on permettra de poser ici afin d'éviter les 25% d'appendicectomie et afin d'éviter les complications. C'est l'intérêt des examens et des scores, et le diagnostic exact. Donc on passe à un autre point. Donc l'appendicite, elle est rare généralement avant 3 ans et une petite prédominance masculine. Est-ce qu'il y a des questions? Donc un petit mot sur l'anatomie. Donc voyez l'appendice, le siège qu'il y a. Donc si, en connaissant cette anatomie, comment on va trouver l'appendice? Donc en suivant ces repères, on peut trouver, parce qu'à travers une petite incision, on peut chercher l'appendice. Où est-ce qu'il faut le chercher? Donc l'appendice, il siège sous la valve du bois à 2-3 cm. On trouve le sécor, l'abouchement de la valvule de Noël, c'est-à-dire l'abouchement iliocécal, 2-3 cm, vous trouvez l'appendice. À la jonction, généralement, des trois bandelettes. C'est ça, des bandelettes. Ça, c'est la bandelette antérieure, latérale, ici. La jonction communique vers elle, se dirige, on la converge vers la base de l'appendice. Donc, on trouve l'abouchement, c'est l'ilion terminal, 2-3 cm en bas. Et en suivant les convergences, on va trouver l'appendice. C'est comme ça qu'il faut le chercher. Il faut dire que la lumière, elle communique avec la lumière digestive, donc avec le cécum. Et vous savez bien, au niveau du cécum, il y a beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries. Il y a une pénétration bactérienne. On va faire la physiopathe, ce qui favorise la pénétration bactérienne au niveau des appendicites et qui va provoquer des appendicitomies. Donc la fonction généralement elle est inconnue, mais on incrimine un rôle immunitaire parce qu'il y a beaucoup de follicules dépourvues. C'est ça le rôle. L'ablation elle est sans conséquence. Ce n'est que les complications dues à l'intervention elle-même. Les complications ne sont pas dites à l'appendicectomie, mais à l'intervention, c'est-à-dire le geste, la cicatrice, les traumatismes, les complications et autres choses. Est-ce que vous souvenez? La variation, le terme expliqué, lui par les différents tableaux cliniques, les variations anatomopathologiques, la situation. Donc, les formes cliniques de l'appendice peuvent être expliqués par la situation, la position. Donc, situation du cécum, ce qui explique les variations des tableaux cliniques. Donc, la position du cécum qui est du cécum, dit appendice. On dit la position de l'appendice, donc au niveau du cécum, la base du cécum. Donc, la situation du cécum, soit en sous-hépatique, soit au niveau de la fossilière droite, soit au niveau pelvien, soit c'est au niveau gauche, situs inversé. Donc, il y a des tableaux cliniques, on va voir les formes cliniques par la suite. Soit en fonction de la direction de l'appendice. L'appendice en position fossilière droite, il peut se diriger vers l'intérieur, donc c'est appendice mésocélien, vers le pelvis, c'est appendice pelvien, postérieur, c'est l'appendice rétrocécal, donc en fonction de la direction ou en fonction de la position de l'appendice. D'accord? Ce qui explique les présentations cliniques variables, c'est-à-dire les tableaux cliniques multiples. Donc on peut avoir un tableau d'appendice qui est en position sous-hépatique qui simule une cholecystite, au niveau pelvien qui peut simuler une GU ou un autre inquisploreur. Donc les différents diagnostics différentiels. Sur le plan physiopathologique, c'est le mécanisme le plus connu, c'est l'obstruction. Donc c'est une interposée, un corps étranger qui peut obstruer l'origine d'une augmentation de la pression liminale, la pression entrée à l'intérieur de l'appendice, la lumière appendiculaire, et par conséquent, une pénétration, il va y avoir du pic en intraluminal, puis altération de la vascularisation et la gangrène de l'appendice. C'est ça, donc le mécanisme le plus connu, il y a l'appendicite par contiguïté, donc c'est une théorie aussi, il y a l'appendicite par voie hématogène, c'est-à-dire infection de l'appendice par voie hématogène, voilà par contiguïté. Mais le mécanisme le plus connu, c'est l'obstruction. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, c'est les différents stades de l'évolution d'un appendicite. Rarement, l'évolution peut se faire vers la guérison, c'est-à-dire une diminution spontanée ou une évolution spontanée des lésions cicatricielles qui vont donner ce qu'on appelle, là, ça c'est une notion plus ou moins récente, l'appendicite chronique. D'accord, on parle d'appendicite chronique, mais avant ça n'existe pas. Dans la D, l'appendicite chronique, il y a des... Et ça existe pourquoi plusieurs tableaux cliniques peuvent le confirmer. Par exemple, un plastron appendiculaire. Vous entendez le plastron appendiculaire? Tout petit peu de l'ombre à l'intérieur. Non? Il y a moins de vie. Stage, je vais donner stage. Bon, on vous a parlé du plastron appendiculaire. J'en passe. On va voir par la suite, parce que parmi les complications des appendicectomies, je vais revenir sur le point. D'accord. Sur le plan anatomopathologique, donc ça commence toujours par un appendicite cataracte, une inflammation, hein, 90% vers l'évolution de l'appendicite phlegmoneuse. Oui, si l'appendice n'est pas enlevé, donc c'est l'appendicite gangréné, puis qui va évoluer vers la perforation et la péritonite. D'accord, ça c'est un petit sommaire de différents stades des appendicites. Vous trouvez dans les protocoles opératoires, donc appendicite cataracte, appendicite phlegmoneuse, appendicite gangréné. Donc, si vous voulez les protocoles des malades opérés, vous allez trouver tous les stades. Les différences, hein, appendicite cataracte, l'appendicite, donc ça se confirme. Donc ça confirme qu'un tel stade, il a été opéré le malade. Donc, appendicite inflammé ou inflammatoire, c'est-à-dire cataracte, appendicite phlegmoneuse, appendicite gangréné et appendicite perforé, donc il dit perforé, c'est-à-dire il y a un abcès ou la péritonite. Le plan clinique maintenant, diagnostic clinique, comme forme clinique, là où il y a le maximum de sinistre. C'est l'appendicite en position fosse-iliaque droite. C'est la forme la plus fréquente, donc 90% des appendicites siègent au niveau de la fosse-iliaque droite. Et c'est là où il y a le maximum de signes cliniques. Donc ces forces-là, on va prendre ça comme forme clinique typique. Donc la douleur, c'est le maître symptôme. Il n'y a pas d'appendicite sans douleur. Sauf exception, je la laisse à vous, et vous l'avez, c'est pour un spécialiste. Donc certaines formes cliniques, hein, par exemple un malade comateux, malade de réanimation, qui ne coopère pas, peut faire une péritonite appendiculaire, malgré qu'il est comateux, on laisse des centres. Hein, les centres de soins intensifs peuvent faire certaines formes, les formes asthéniques, péritonite. Donc, vous allez voir les formes asthéniques, les formes asthéniques. Les formes asthéniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation clinique. Voilà, il y a un amendement des signes, il n'y a pas de signe clinique. Un malade commandeur, il ne coopère pas. Donc, si vous le touchez, il ne réagit pas. Pratiquement, il peut faire une appendicite. C'est pour cela. J'ai dit la douleur, entre parenthèses. La douleur, c'est le maître symptôme. Il n'y a pas d'appendicite sans douleur, sauf exception, pour un spécialiste. On ne va pas envoyer un interne faire un avis pour une suspicion de péritonite chez un malade en réanimation. Généralement, c'est le résident dans l'assistant qui va se déplacer pour faire le, pour examiner le malade. Mais il faut retenir que le maître symptôme, c'est la douleur. Et c'est constant. Donc la douleur, elle débute au niveau de l'épigastre. Parfois, c'est la fosse iliaque droite. Alors, pour se localiser définitivement au niveau de la fosse iliaque droite, le débit se va progresser, voilà, rarement prétal. La douleur, elle est constante, donc comme je l'ai signalé au début, plus ou moins soulagée par la flexion de la cuisse. Donc, c'est une position montée d'antiflexion, voilà, pour chercher une position antalgique. Donc, le malade essaie de chercher une position antalgique. Donc, il va mettre la position en flexion. Il faut dire que le mouvement, voilà, l'interflexion sur le talon, et entre parenthèses, on va voir par la suite, j'ai dit 110, donc pratiquement l'appendice, le sycomycier sur vos postures, le psoas, le contact, donc c'est l'appendice. Et qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? C'est la surface péritonéale, c'est le péritoine. Donc, en cas de mobilisation du membre, donc c'est le muscle psoas qui bouge. Donc, il va pratiquement mobiliser le sécom et par conséquent l'appendice, il va déclencher une douleur. C'est pour cela qu'il y a un psoitis. Le malade évite de faire bouger le membre. Donc, il y a une position antalgique. Voilà, il essaie de maintenir le membre en antiflexion. La percussion. Voilà, si vous faites une force qui va contrarier la flexion, ça va déclencher une douleur. Donc ça va entraîner une contraction du muscle psoas et entraîner une douleur, c'est ce qu'on appelle le psoïsis. Des signes qui ne sont pas spécifiques peuvent être accompagnés. C'est l'anorexie, des nausées, des vomissements, souvent des constipations. Généralement, c'est une constipation avec au sang diarrhée. Donc, soit constipation, soit diarrhée, soit trouble du transit, constipation, diarrhée. Les signes généraux, c'est fièvre généralement n'est pas augmentée, sauf si l'appendice est compliqué. Généralement, c'est une température qui ne dépasse pas les 38. C'est pas la température à 40, à 39, 40 degrés. Donc, généralement, c'est une petite température d'un fibricule de 38. L'état général est souvent conservé. Bien sûr, sauf complication et en fonction du terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on passe à l'examen physique. Bon, j'ai mis encore quelques signes généraux. Langue sabérale, c'est-à-dire une surcharge de la langue. Et rétro-rein, ce n'est pas des signes spécifiques à l'appendice. Donc, uniquement la douleur. Mais c'est des signes qui existent souvent avec dans le tableau infectieux ou le tableau d'appendicite. Le premier signe qu'on peut dire, c'est quoi? Les appendicites. C'est quoi le signe de McBurney? C'est quoi le signe de McBurney? Tout simplement, c'est la douleur provenant de la fosse iliaque droite. On a généralement un point, mais il y a la fosse iliaque droite. Il y a le point de McBurney, ici. Deux tiers en tant que c'est la ligne qui relie l'embellé à l'épine antéro-supérieure iliaque. Donc, les deux tiers interne, et tiers externe. Donc, deux tiers interne, un tiers externe, c'est le point de McBurney. La douleur, par contre, c'est toute la fosse iliaque droite. Donc, la palpation profonde de la fosse iliaque droite déclenche une douleur. Donc, c'est le signe de McBurney. Avant le signe de McBurney, c'est le signe de McKenzie. McKenzie, c'est l'hyperesthésie qui est allée au niveau de la fosse iliaque droite. C'est-à-dire, dès qu'on affleure la fosse iliaque droite, dès que vous mettez la main, le malade s'y ressemble. Donc, il y a une hypersensibilité de la fosse iliaque droite. C'est le signe de Mackenzie. Le signe de McBurney, on l'a vu. Le signe de Blumberg. Donc, si on palpe la fosse, on essaie de convaincre la douleur. La palpation profonde de la fosse iliaque, oui, brutalement, je dis que j'enlève la décompression brutale. Donc, ça déclenche une douleur renseignante au niveau de la fosse. Donc, la palpation profonde, puis la décompression, ça déclenche une douleur au niveau de la fosse iliaque de la voix. Est-ce que vous avez compris? On palpe profondément, puis on enlève brutalement, hein? Ça déclenche une douleur au niveau de la fosse iliaque de la voix. Donc, la palpation fosse iliaque de la voix, suivie d'une décompression brutale, déclenche une douleur, c'est le signe de Blumberg. Le signe de Rosé, si parfois on est gêné par la douleur, par l'examen au niveau de la fosse iliaque droite, on se pose sur la fosse iliaque gauche. La douleur provoquée, parce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est la mobilisation des viscères. Donc, on parle profondément la fosse iliaque gauche. Tu demandes au malade, est-ce qu'il a mal ici? Il veut que non, j'ai mal ici. Il a mal au niveau de la fosse iliaque, donc c'est le signe de la compression profonde de la fosse iliaque gauche déclenche une douleur au niveau de. On parle profondément ici, ça déclenche une douleur ici au niveau de la droite. D'accord. On parle par gauche, la douleur est à droite. Le signe de. J'ai pas donné, là, il y a un autre signe, la décompression rétale aussi déclenche. Au niveau de la fosse iliaque de droite, une douleur. Donc, on tape profondément, comme ça. Puis, on enlève, ça déclenche une douleur au niveau de la fosse iliaque de droite. La flexion contrariée, si hein, on demande au malade de ne pas de faire une force, de ne pas laisser le membre se fléchir, donc, déclenche une douleur. Ou bien la percussion au niveau des talons. Déclenche au niveau une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, c'est le signe de Drachter. D'accord. On termine par les touchés pelviens. Toucher rectal et toucher vaginal. Donc, c'est en fonction de tableau clinique et de la forme clinique. Généralement, il y a une douleur au niveau du kit de sac de glace, si au niveau du toucher vaginal, s'il y a une complication. En cas de périlleux, la douleur, elle existe. C'est-à-dire, parce que je répète, c'est la CRS qui fait mal. Donc, s'il y a une inflammation de la CRS, donc, il y a du prix au niveau du kit de sac de glace. Voilà, en cas d'appendicite pelvienne. Donc, si on fait un toucher vaginal ou un toucher rectal, donc ça va déclencher une douleur. En cas de péritonite ou la croix d'appendicite. De toute façon, il faut faire pour éliminer certains diagnostics. Hein. Une masse anxiale ou une grossesse extra-utérine. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une question? Vous avez compris un petit peu. Je peux répondre, hein? Donc, si vous n'avez pas compris, je peux répéter. Donc, on fait un petit résumé des signes cliniques. D'accord. Le venin, le signe de Mackenzie. Les signes généraux ne sont pas spécifiques. La douleur, elle est constante. Il n'y a pas d'appendicite sans douleur. Les signes généraux ne sont pas spécifiques, ne sont pas au premier plan, sans complications ou certains terrains. Par exemple, le vieux, le nourrisson. Hein? Donc, l'hyperesthésie qui est amenée au niveau de la fosse iliaque droite, des combis, c'est le signe de Mackenzie. La palpation profonde au niveau de la fosse iliaque droite, c'est le signe de McBurney. la décompression rétale, la fosse iliaque droite, peut provoquer une douleur lancinante, c'est le signe de Blumberg. Si on est gêné par la fosse iliaque droite, on n'arrive pas à accomplir, donc on passe la fosse iliaque gauche. Le signe de Romzik, c'est la palpation profonde de la fosse iliaque gauche peut déclencher une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. La décompression rétale aussi peut entraîner une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Le signe de l'antiflexion contrariée, voilà la perfusion au niveau du talon, peut entraîner une douleur, c'est le signe de Drachter. D'accord, c'est ça les principaux signes physiques de l'appendicite en position fosse iliaque droite. On peut compléter le diagnostic en faisant une biologie générale moléculaire de leucocytose. On fait une forme de libération. Il y a une augmentation des polynucléaires non trophées. L'élévation de la CRP n'est pas tout le temps constante. Malgré qu'il y ait une infection, il y a une élévation inconstante et modérée de la CRP. La radiologie, on commence souvent par une radiologie de l'abdomen sans préparation. Qu'est-ce qu'il faut chercher ici? Un niveau hydroaéré qui témoigne donc d'une infection. Un stercolis, c'est-à-dire une opacité ou une projection de la fosse iliaque droite. Voilà, en cas d'indic et en cas d'occlusion de péritonite, une grisaille diffuse, voilà des niveaux hydroaérés en cas de péritonite. Je ne sais pas ce que vous voulez, tellement le silence absolu, est-ce que c'est un petit peu le même jour? Il ne faut pas hésiter à dire non, on a posé des questions. Hein. Pourquoi tellement que c'est une question classique, c'est rien du tout. Hein? Est-ce que fait tout? C'est mieux. La réalité de l'abdomen sans préparation. Oui. La réponse à ce qu'on cherche. On fait une radio d'abdomen sans préparation. C'est pas spécifique de l'appendicite, mais il y a des signes indirects qui peuvent orienter vers l'appendicite. Bon, vous allez voir par la suite, en faisant bien sûr le stage ou certains cours, que l'infection peut s'accompagner d'une ulysse, une infection intra-abdominale, un abcès, voilà. Une douleur peut s'accompagner d'une ulysse, c'est-à-dire une occlusion réflexe. Donc, s'il y a l'appendicite infectée, il peut entraîner ce qu'on appelle l'encéphalite, niveau hydroaérique au niveau de la dernière anse. C'est-à-dire, la dernière anse, elle est encore en quelque sorte attente. Donc, il va y avoir une accumulation de liquide et de gaz au niveau de la dernière anse. Qui dérolasse, mais qui garde un niveau hydroaérique au niveau de la fosse iliaque droite. Parfois, un stercolite, surtout au titre de la physiopathe, c'est le corps étranger. Il y a certains, donc, soit de temps en temps, soit c'est des matières organisées et qui se durcissent au niveau de la lumière perpendiculaire, comme un calcul. Donc, une opacité, soit un truc grain d'haricot, voilà, de pois chiche, voilà, de cerise, voilà, donc qui va migrer, s'arrêter le bout d'appendice, la lumière appendiculaire. Parfois, en cas d'occlusion, l'occlusion, c'est des niveaux hydroaériques. Donc, l'aspect qui déroule, il y a une complication, type d'occlusion, voilà une péritonite, donc une grisaille diffuse. Donc, il dévoile des penchements dans l'abdomen. C'est ça les signes qu'on peut voir dans l'appendice. Vous voyez, médecine, radiologie, photographie, qu'est-ce qu'il dit médecine ? Généralement, l'appendice, il a un diamètre inférieur à 6 mm. C'est-à-dire, si vous trouvez l'appendice, donc le diamètre, il est inférieur à 6 mm. Donc si l'appendice, il est malade, le diamètre, il est supérieur à 6 mm. D'accord, ça c'est le premier épaississement de la paroi appendiculaire supérieure à 6 mm. Soit ce qu'on appelle le signe de la saucisse. Donc ça, c'est à l'échographie. L'image la plus classique, c'est l'image en cocarde. C'est-à-dire, c'est les différentes couches de l'appendice, muqueuse, sous-muqueuse, hein, musculaire, CRS. Donc l'épaississement, l'infiltration des différents, on réalise ce qu'on appelle. Hein, donc vous trouvez la première couche, deuxième, troisième. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'appendice en cocarde. D'accord. Ça, c'est pathognoménique, l'appendice, il est malade. L'image en cocarde, c'est des images. Donc, c'est des couches concentriques qui correspondent aux différentes couches de l'appendice, c'est-à-dire muqueuse, sous-muqueuse, musculaire et cérès. L'intérêt de l'appendice, c'est surtout pour le diagnostic aussi différentiel chez la femme obèse, la femme enceinte. L'indication du scanner, c'est en cas de problème diagnostique. Le problème diagnostique se pose dans différentes situations. Différentes situations, la femme obèse, les malades tarés, les malades hypoglycémiques, les malades âgés de réanimation, certains malades. Là, il y a un diagnostic différentiel parce qu'on pense, par exemple, sur le bien, un cancer, appendicite. Si la femme engage en difficulté, GI, tumeur annexiale, dans certaines situations, si certains malades qui présentent des maladies inflammatoires, telles que Crohn, SUH, donc il y a un problème diagnostique, une indication de faire un scanner pour poser, pour trancher. C'est quoi le plastron appendiculaire? C'est une appendicite aiguë qui est maltraitée, mal suivie, pour des raisons X. Soit le malade n'a pas consulté, soit on l'a traité médicalement, soit le malade n'a pas pris correctement ses médicaments. Donc c'est une appendicite qui a été maltraitée. Donc il a été maltraité. Et qu'est-ce qu'elle correspond encore? C'est une agglutination. C'est-à-dire, vous comprenez ce qu'elle dit, agglutination. C'est-à-dire, les anses intestinales vont entourer, mademoiselle, c'est le même coronavirus. D'accord. L'oxytine a agglutine la chair d'os autour d'un foyer inflammatoire ou infectieux. Les os vont entourer, voilà, vont cerner l'infection. Ici, une forme du lit de l'organisme. C'est-à-dire, pour cerner l'infection, indiquer le point, c'est l'appendice. Donc, l'organisme va mobiliser aussi bien les os intestinales et le tablier épiploïque, surtout le tablier épiploïque, le grand tablier épiploïque, carrément. Tablier, hein? Donc vous ne le connaissez pas. Le tablier épiploïque, qui est le goulard, je suis un antibé. Pratiquement, il couvre, c'est le. Donc le tablier épiploïque, il voulait aussi, hein? Entre parenthèses, c'est le gendarme de l'abdomen. Là où il y a infection, le tablier épiploïque est là qui va migrer vers le site infectieux. S'il y a par exemple une appendicite, il va migrer, il va servir l'infection au niveau de l'appendice. Ici, s'il y a perforation du cerveau, vous allez voir, il y a une perforation bouchée. On va vous parler de perforation bouchée. Généralement, c'est le tablier épiploïque qui va essayer de fermer la perforation du cerveau. S'il y a une cholecystite, le tablier épiploïque va migrer vers le foyer infectieux, vers la vésicule biliaire, essayer de cerner cette infection. Donc, au niveau de l'appendice, c'est une agglutination dense et dépuplant au niveau autour de l'appendice. Donc, essayer de cerner cette infection. À l'examen clinique, c'est quoi? C'est un empattement, c'est un durcissement au niveau de. C'est-à-dire, là, c'est cartonné. Un blindage au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, c'est un empattement au niveau de la fosse iliaque droite. Quitte pas que tout l'abdomen soit souple, maintenant, on dirait qu'il y a une masse. Et c'est cartonné. Hein. C'est comme presque comme du carton. Hein. D'accord. Souvent accompagné par des troubles du transit, type constipation ou diarrhée. L'évolution peut se faire spontanément vers la guérison ou bien la complication. C'est pour cela, si le diagnostic est certain, c'est-à-dire on est sûr que c'est un plastron appendiculaire, hein, c'est pas autre chose. Donc on traite, on donne une antibiothérapie, on hospitalise le malade, on peut traiter par une antibiothérapie pendant généralement une quinzaine de jours. Et réaliser l'appendicectomie ultérieurement. Donc, il y en a, j'ai cité tout à l'heure, appendicite chronique. Donc, si on traite le plastron appendiculaire, l'origine du problème, c'est l'appendicite. Oui, plastron, c'est une forme de complication. Oui, il y a une guérison. Donc, c'est une forme d'appendicite. On réalise généralement à partir de 2-3 mois, on peut faire l'appendicite. D'accord. Parce que le malade risque de faire une deuxième appendicite. Hein. Donc, le malade, certains malades qui veulent faire une thermopathie sur le jardin de l'île, puis ils ont 2 ans, 3 ans, on fait l'appendicite. Quel est notre appendicite? Voilà, j'ai le carton TAE, j'ai le dossier. Dans le dossier, le carton, plastron appendiculaire, confirmé, l'écho, le scanner, le malade, la grille d'hospitalisation, mais c'est le malade qui est négligent, qui n'est pas revenu pour faire son appendicite. D'accord. Donc, ça, c'est pour vous dire, je n'ai pas oublié le point, appendicite chronique. Donc, certains plastrons perdus, appendiculaires, guérissent. Cependant, sont exposés à faire le même tableau clinique ultérieurement. Donc, deuxième forme clinique, ou la forme compliquée, c'est l'abcès appendiculaire. Là, c'est l'intérêt des signes cliniques. Surtout, la douleur, elle est intense. Il y a le signe aussi de Mackenzie, donc c'est une hyperesthésie cutanée. Une douleur intense, longue et continue. Hein? Donc, c'est pulsatif. Hein? Donc, c'est une douleur, le malade, il a très mal. Donc, bien sûr, donc, il y a un abcès. Il y a une collection infectée. Qu'est-ce qu'elle va s'accompagner d'un ileus réflexe. C'est quoi l'ileus réflexe? C'est une occlusion fonctionnelle. Ce n'est pas une occlusion organique. C'est une occlusion réflexe. L'examen physique, c'est une défense, 3 points. Hein? l'oxytine, donc c'est important, avec une masse douloureuse ou touchée rectale. C'est pour cela que j'ai dit il n'y a pas de trucs tout à l'heure de parabolisme anatomo-clinique. Vous voyez ici, il y a une altération d'état général très marquée avec une fièvre souvent qui est supérieure à 38,5. C'est une altération. C'est là l'intérêt des examens complémentaires pour confirmer. Donc, surtout le scanner. Et à visite thérapeutique aussi. J'ai oublié un point de l'introduction. En cas d'appendicite compliqué, si le taux d'absorption de place transpendiculaire, la radiologie interventionnelle, on peut, ça c'est l'abside, on peut ponctionner, évacuer le but, c'est-à-dire dès les ponctions scanoguidées ou écoguidées, on évacue le but, souvent on peut placer même un drain, et mettre le traitement antibiotique. Les malades guérissent. D'accord ? Opérer dans de bonnes conditions pour réaliser l'appendicectomie. Docteur, la parenthèse est bien. Il y a un document appendice compliqué. Si vous avez un bon plateau technique, c'est-à-dire l'hôpital de Côte d'Ivoire, les radiologues, les chirurgiens, l'anesthésiste, donc un bon tableau, des examens sont disponibles. On peut faire, par exemple, une échographie, un scanner. Diagnostic, il est certain. C'est un place 30, c'est un abcès appendiculaire. L'abcès, c'est-à-dire, on va le mesurer, on va voir les rapporteurs, parce que l'abcès n'est pas toujours possible. On peut trouver un abcès au niveau du de glace, un abcès à l'intérieur, le contact avec les l'utérus, avec les vaisseaux iliaques, avec l'urètre, avec donc ça dépend. Donc, bon, radiologue, il y a c'est un abcès de 5 cm, on a de 10 cm. Le contenu était aussi du pifron, on l'a scellé, on a de la nécrose, les rapports, contact intime avec les vaisseaux iliaques, on a les vaisseaux avec la vessie, on a on va éviter, il va fonctionner, on va mettre le mal sous antibiothérapie, et quelques jours après, ou quelques semaines, on peut réaliser tout ça. Ça permet de limiter. Pourquoi? Parce qu'on a périmé l'appendicectomie aussi. Parce que opérer à chaud expose le malade à beaucoup plus de complications. Donc il peut y avoir un saignement, effraction digestive, des plis iatrogènes de donc, certains organes, donc, et même le suivi post-opératoire, il peut y avoir des complications. En tout cas, les malades d'un nerf infectif, il y a des récupérations de la paroi, une éviscération. Il y a des occlusions, il faut des problèmes, des abcès secondaires. Donc, pour éviter toutes ces complications, on peut s'être attitude. Maintenant, la tendance actuelle chez les occidentaux, c'est de faire ça. Si on a un diagnostic, on peut traiter radiologiquement, plus des antibiotiques, et opérer ultérieurement le malade afin d'éviter beaucoup de complications. Hein? Il faut la retenir. Hein? Donc, c'est une nouvelle attitude qui est adopté, surtout entre les Occidentaux. Et l'intérêt du score, réellement. D'accord. Donc, fais-moi un livre. Fais-moi un livre. Oui. Certains tubes de tubes, seulement dans les formes compliquées. Quoi? Seulement dans les formes compliquées. Certains formes compliquées, oui. Certains tubes de thérapeutique. Ce n'est pas systématique. Mais dans certains formes, le cas où on peut faire. Pour, par exemple, une femme enceinte, c'est plus pas d'être. Hein. Déjà le scanner il est presque contre-indiqué, l'injection de iode et certains, hein, donc certains nourrissants. Hein, je ne peux pas appliquer si c'est un nourrissant, je ne sais pas, en cas de double diagnostic. Hein, certains abcès néoplasiques, si j'ai un vieux de 85 ans, on a un HAJA, et dès qu'il y a un tableau clinique d'appendicite, si tu as un cancer, on dit tu me traites pour appendicite. C'est pas normal. Donc, pour le diagnostic, certains. Hein, pour décider de la conduite à tenir. Est-ce qu'il y a des questions? La péritonite appendiculaire, parmi les complications, donc c'est bon. Dans le plastron et l'abcisse, c'est une forme de péritonite. C'est une péritonite en quelque sorte localisée. Lorsque c'est une péritonite plastique, lorsque c'est une péritonite localisée, Là, c'est la péritonite généralisée. Donc, c'est une diffusion du pus dans la cavité péritonéale. Donc, le passage du pus à partir de l'appendice dans la cavité péritonéale. À quelle heure on termine? À 4 heures. D'accord. Donc, division du processus infectieux dans la cavité péritonéale. Bon, tout ce qui est à de stage, je veux quoi et péritonite en un certain temps. Si une perforation directe d'emblée, c'est-à-dire une appendicite ou une perforation, un passage dans la cavité sans que, qu'il y ait agglutination, hein, telle que l'abcis ou la plastron appendiculaire, donc directement, j'ai pu dans toute la cavité. Hein, je vais passer la fossiliale pour la gouttière, c'est appendice sous-hépatique. Qui de cette de glace, donc il puis toute la cavité, c'est la péritonite. Donc passage direct dans la cavité péritonéale. Si la péritonite en ancien parle, c'est une question déroulée de calcul de la modalité d'examen. Hein? Vous les deux par écrit. Par écrit. Examen de stage. Oui, par écrit. Mieux. Deuxième forum, c'est la péritonite. C'est quoi la péritonite en deux temps? C'est un tableau d'appendicite, parfois suivi d'une période d'accalmie, et secondairement, il y a une perforation. Donc, dès que le malade a un tableau d'appendicite, il examine. Bon, on dit, ben, il n'y a rien. Cliniquement, il n'y a rien. Il y a un amendement d'ici. Soit il lâche le malade rentrer chez lui, ou il va chez un autre médecin, et j'ai un tableau de péritonite. Soit tu le gardes chez toi, c'est un peu, tu le réexamines dans 2 heures, 3 heures de temps, tu le trouves en contracture abdominale. Donc c'est la péritonite en 2 temps, là, c'est le tableau. Donc il faut se méfier, un malade qui a fait un tableau d'appendicite. C'est l'intérêt des scores, on va voir par la suite si vous voulez les prendre, les scores. Hein. Donc tableau en 2 temps, de péritonite en 2 temps. Appendicite accalmé, puis rupture secondaire d'un appendice qui va réaliser le tableau de péritonite en 2 temps. La péritonite en 3 temps. Donc il y a un tableau d'appendicite, puis d'abcès appendiculaire, puis passage de pus dans toute la cavité, c'est la péritonite en 3 temps. Généralement, la péritonite, c'est quoi? Le maître symptôme, c'est quoi? C'est la contraction abdominale. La contracture abdominale à elle seule, la contracture abdominale à elle seule peut suffire pour poser une indication chirurgicale. Un malade et une contracture abdominale, la condition du caractère de cette contracture. Si c'est une douleur, si une contracture, tableau ventre de bois, vous allez faire des péritonites. Tableau de péritonite aiguë. Donc, c'est une contracture généralisée, douloureuse. Donc, ce n'est pas une contracture qui n'est pas. Donc, dès que tu touches ta cuisse, c'est le malade, il se défend. Donc, douloureuse, généralisée. Elle est invincible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la vaincre. Il réalise le tableau de ventre de bois. Bien sûr, plus les signes cliniques, les signes généraux, c'est une urgence chirurgicale. D'accord. La péritonite en particulier, c'est une urgence chirurgicale. Est-ce qu'il y a des questions? Un point aussi, généralement, les péritonites, généralement, ce n'est pas systématique. Il y a la fièvre, ce qui va différencier entre d'autres péritonites. La péritonite diocère au début, il n'y a pas de fièvre. L'appendicite, il y a la fièvre. Ou il n'y a pas le pneumopéritone. L'appendicite, généralement, ce n'est pas la règle. Hein, parce que c'est les péritonites qui ont trinité 3 jours, 4 semaines, ou la nuit, tu peux trouver 1 semaine, 4 jours, ouais, tu peux trouver une péritonite, un lésbien. Tu peux trouver un pneumopéritone. Alors que généralement, il n'y a pas de pneumopéritone. C'est ce qui va différencier des autres péritonites. Donc, on pense à une péritonite appendiculaire, bien sûr, avec la symptomatologie, l'absence de pneumopéritone et la présence d'une fièvre. Est-ce qu'il y a des questions? vraiment le terrain. Voilà ce qui différencie ce qui fait de l'appendicite qui est grave chez le vieillard, c'est le retard diagnostique. J'ai un vieux, donc il néglige sa pathologie, il tolère bien la symptomatologie, et généralement on ne pense pas. J'ai 85 ans, 70 ans, on pense généralement à un cancer. Donc, c'est l'intérêt, donc c'est généralement le diagnostic qui est fait tardivement, en cas de complications. Et c'est l'intérêt des examens complémentaires, généralement le scanner. Donc, retard diagnostique, les signes cliniques sont frustrés parce que le malade vient tardivement. Et le tableau, c'est un tableau généralement d'occlusion fibrille avec altération de l'état général. Le diagnostic général, pourquoi il est tardé? Parce qu'on pense généralement un cancer du côlon droit complet. C'est les tout principaux points qui font que l'appendice est grave chez le vieillard. D'accord, chez le sujet âgé. Chez le nourrisson et l'enfant, avant 2 et 3 ans aussi, c'est un tableau gravissime parce que le diagnostic, on n'y pense pas. J'ai qu'un nourrisson, donc on ne pense pas à l'appendicite. Parce qu'elle est déjà elle est rare, le diagnostic il est difficile. Donc il faut y penser devant les signes d'anorexie, de vomissement, de fièvre et trouble du transit. Donc chez le nourrisson, elle est rare, l'appendicite elle est rare, mais il faut penser devant les signes cliniques. Le diagnostic est très difficile avec le nourrisson. Question. La femme enceinte. Ça, c'est une particularité. Donc, certains tableaux cliniques. Pas de l'appeler, mais bon. Quand j'ai vu que me. Question bateau, qui est là. Non. Peu de capteur d'ici, là. Non. Il y a de l'homme. D'accord. La femme enceinte. Le diagnostic est un petit peu difficile. Premier trimestre, pourquoi? Pourquoi il est difficile au premier trimestre? Parce qu'on pense au signe sympathique. J'ai la première grossesse, hein, premier mois, première semaine. Généralement, c'est des signes sympathiques, hein, des vomissements, des anorexies, des douleurs, hein, des étirements. Donc on pense que c'est des signes sympathiques. Troisième trimestre, ce sont les modifications parce que généralement l'abdomen il est occupé par la grossesse en été spiralée, donc il y a une modification de l'anatomie. Pratiquement, soit le cicombe il est reculé vers le haut, soit en postérieur, donc il y a une modification de. Voilà les signes de travail. Hein, le cycle dernier, les contractions utérines, le cycle des derniers mois, c'est un déclenchement. Hein, c'est le début d'un travail, des douleurs et tout, donc on peut penser à un travail. Alors que c'est une telle appendicite, c'est l'intérêt des examens complémentaires. Oui? L'utérus, il occupe presque toute la cavité abdominale. Est-ce que vous suivez? Donc il refoule le cécum, et par conséquent l'appendice, soit vers le haut, soit en postérieur. Vers le haut, il peut simuler un tableau de cholécystite. Vers l'arrière, il peut simuler un tableau de pyélonéphrite. Donc voilà, on peut penser carrément si ni l'un ni l'autre, si l'appendicite, vous voulez, vers le milieu, mais entre les os, on peut penser à un début de travail. D'accord? Les contractions utérines peuvent simuler, donc peuvent camoufler un tableau d'appendicite. Oui? Est-ce qu'il y a une question? Au milieu, qu'est-ce que ça signifie? Le début de travail, déclenchement de travail. Il y a la douleur. Quoique même la douleur peut déclencher la douleur, le travail. La douleur appendiculaire peut déclencher le venin en postérieur. Ça peut simuler, puis le niveau vers le milieu. Dès que là, tellement que c'est l'utérus qui fait saillir, quand il passe l'utérus, ça fait mal. Donc, s'il peut penser un début de travail, c'est-à-dire des contractions utérines pour qu'on déclenche le, pour expulser le, l'accouchement. D'autres formes félicitaires aussi, c'est l'immunodéprimie, le diabétique et l'insuffisance rénale chronique. Donc, ce sont des formes graves. Oui. Bon, ça, c'est des formes topographiques. On a vu, donc, selon la direction, on a vu compliqué. Ça se trompe, on sait que les tomates perpendiculaires. On a vu selon les terrains de l'hiver, l'horizon est là. La femme enceinte et les minots déprimés. Voilà certaines formes minimisées par le traitement. Bon, oui. Si la femme décide d'aller en santé chez la femme enceinte, oui. Quelle est la conjugation? Qu'est-ce qu'on dit? On fait. On va avoir le traitement. On va voir dans le chapitre le traitement. C'est diagnostic et positif. Là, c'est tout l'examen, l'intérêt diagnostique. La conduite, elle est facile. La conduite, c'est facile. Donc, appendice rétrosical, c'est-à-dire appendice derrière le sicon. Donc, diagnostic différentiel avec une pyélonéphrite. Le symptôme le plus constant, c'est le psoriasis. Donc, il faut examiner le malade. Pendant qu'il soit douleur à la flexion, il faut examiner le malade en décubitus latéral gauche. Essayer d'examiner le malade en décubitus latéral et chercher un point douloureux postérieur. Parce que l'appendice est en postérieur. Donc le malade il va pouvoir accéder à la fosse lombaire. C'est-à-dire qu'il faut examiner. Malgré ça, si le diagnostic de pyélonéphrite, il faut éliminer une infection urinaire au niveau des bilans, pour poser le diagnostic, donc pour ça, il faut faire un dossier bilier, il faut faire une échographie, donc il faut chercher des signes urinaires. Appendicite mésocéliale, c'est-à-dire quoi? Appendice entre les os intestinales, c'est ça, appendicite mésocéliale. Appendicite mésocéliale, c'est-à-dire l'appendice, il est dirigé entre les os, entre les os intestinales, et là, tout occlusion fibrée, chez un jeune, il faut penser à un appendice mésocélien. Occlusion fibrée, occlusion haute, hein. Occlusion des graines, ça c'est presque une règle. Hein. Donc il y a une occlusion. Dès qu'on pense directement à 80%, c'est un appendice dans sa forme mésocélienne. D'accord. Occlusion, donc le tableau clinique, occlusion fibrille du grain. Alors c'est le tableau clinique. Appendicite mésocéliale égale occlusion fibrille du grain. Appendicite à gauche. Si généralement, hein, il faut poser le diagnostic de sinus inversus pour poser le diagnostic d'appendicite à gauche. L'appendice pelvien. Où est-ce que c'est les cliniques? C'est des signes d'empreinte, c'est pas des signes d'appendice. L'appendice se trouve dans la pelvis. C'est quoi? Donc c'est des signes urinaires, des gynécologiques. Voilà des signes digestifs à type faux besoin, diarrhée, voilà des dynèses. Donc surtout en fait le cancer directement. D'accord? Donc, l'appendice pelvien, au niveau, c'est des signes d'empreinte, c'est-à-dire c'est des signes des autres appareils. Soit il est au contact des tiris et des, de la trompe, donc il peut entraîner des signes gynécologiques. Soit au niveau quand la vessie peut entraîner un vessie urinaire, c'est digéré pour l'artillerie ou la prédiction, soit au contact du rectum, il peut simuler, il peut donner des signes d'empreinte d'un type faux besoin d'éthinésime ou alors carrément de diarrhée. Tableau pour l'appendicite en position hépatique, sous-hépatique. C'est le tableau de cholecystite aiguë. Donc il faut faire le diagnostic, il faut faire l'échographie pour poser le diagnostic. D'accord. Une forme particulière aussi qui a été décrite, c'est l'hernie de Littré. L'hernie de Littré. C'est là que tu vois, vous voyez. Ça, c'est l'appendice qui est pigé dans un sac hernien. Généralement, c'est l'hernie inguinale de droite. D'accord, l'hernie. Hernie inguinale de droite. À l'intérieur de l'hernie du sac hernien, il y a l'appendice. L'hernie de Littré, c'est quoi? C'est un appendice malade, on l'appelle. Donc, on opère une hernie. Le malade, il se présente pour, soi-disant, une hernie compliquée. On opère l'hernie, on trouve l'appendice qui est malade. C'est ça l'hernie de Littré. D'accord. Donc, c'est une forme qui est un petit peu particulière, exceptionnelle. Donc, il y a des compliqués contempérés. Ça, on l'a publié. Il faut. Bon, ça, le diagnostic différentiel, il se fait avec des tumeurs appendiculaires, certaines affections gynécologiques. Donc, des affaires, surtout des affections gynécologiques. Ça, il faut les retenir. La certaine gîte, la grossesse qui a été une surtout intermédiaire, un kyste d'ovaire. On a intérêt des examens, un examen gynécologique spécialisé, bêta ACG échographie pour éliminer grossesse extra-intérieure. On a carrément un scanner. D'accord. Donc, les affections gynécologiques, il faut les connaître. Hein. Appendicite, qui dit appendicite, faut penser kyste d'ovaire pour la follicule de Morgan. Il faut penser la serpingite pour la biosarpinx, infection, pour la hématome, un hémosarpinx. Donc, je veux là. Infection, voilà. Qu'est-ce qu'on a parlé? Grossesse. Quoi? Et la grossesse est très extraite. Généralement, c'est ça les principales compétences. Donc, les principaux diagnostics. Donc, les infections, c'est biosynthèse, synthèse, voilà l'hématite, hémosynthèse, voilà grossesse extraite, voilà les tumeurs anexiens, type qu'est-ce qu'on a fait, voilà la follicule de Morgan. Parce que l'attitude thérapeutique, quand on opère une jeune, voilà même une dame, si on trouve macroscopiquement l'appendice, il faut chercher systématiquement un kyste d'ovaire. Voilà une tumeur annexée. Systématique, si on opère un appendice, on opère, je trouve macroscopiquement, il paraît sain. D'accord. Il faut palper, voir systématiquement les annexes. D'accord. Ça, c'est la règle. Donc, si on opère un appendice, on le trouve macroscopique, ça, il faut chercher un problème annexiel chez la jeune. C'est pas si grave. Hein. Donc, les affections urologiques, c'est le colite néphrétique droite, c'est-à-dire l'ischiase droite. Pyélonéphrite sont en intérêt des examens bactériologiques et urinaires et de l'échographie. Autres atteintes digestives surtout. Donc, tout enfant qui a un problème oral, c'est-à-dire angine, un problème au niveau de l'otite ou l'autre, il faut penser à l'adénite, lymphoadénite abdominale. Une adénite inflammatoire au niveau abdominal, c'est-à-dire mésentérique. Certaines maladies inflammatoires, type maladie de Crohn, SIH, voilà, infectieux, tuberculose, amylase, diverticoïde. Donc il faut faire compenser, voilà, gastro-entérite. Certaines tumeurs, on a vu tout à l'heure, cancer du côlon droit, c'est-à-dire sécant dans la colonne droite, chez le bien. Donc ça peut prêter un diagnostic différentiel. Voilà une diverticulite colique. Plusieurs diverticules, ça c'est des diagnostics diverticulés. Donc, il y a le diverticule de Meckel. C'est ça, et ça fait partie du corps, le diverticule de Meckel. Voilà le diverticule de Meckel. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particularité? Pourquoi il est. Premièrement, il siège grêle. Généralement, on voit ici le diverticule collé. Les diverticulites, les autres diverticules, ressentent acquis, c'est-à-dire. Ces formations acquises avec l'âge vont apparaître. Et généralement, je ne vais pas laisser les autres diverticules, on va revenir directement. Diverticule de Meckel, ses particularités, c'est une formation congénitale, la plus fréquente du type digestif. Donc, c'est une formation qui est fréquente, elle est liée à la persistance, ce qu'on appelle du canal emphalomysentéré. Le diverticule. Donc, contrairement aux autres diverticules, le diverticule de Meckel a quatre couches, hein, de les mêmes couches qui m'avaient le reste du type digestif, c'est-à-dire muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse. Donc il a les quatre tuniques. Il a une vascularisation voyelle, donc il a une vascularisation propre. Il siège, le siège qui est là, sur le bord antimysentérique. C'est quoi le bord? Voilà. Ça, c'est le bord mésentérique. Hein? Là où il y a le mésentère. Le diverticule siège sur le bord antimysentérique. Hein? Antimysentérique. D'accord? Oui? Il siège sur le bord antimysentérique. À la partie terminale de l'artère mésentérique supérieure. Je vais vous laisser. Diverticule de mort, c'est une malformation congénitale fréquente du type digestif. C'est pourquoi il siège sur la dernière ilion, c'est-à-dire. Oui, là aussi, il y a deux choses qu'il faut rechercher en cas d'appendicite qui déroule l'appendicectomie de l'instinct. C'est le diverticule de Meckel et le kyste d'orgue chez l'homme à la chine. Là, il faut le chercher systématiquement. Donc, diverticule. Il se trouve la terminaison, l'ion terminal, c'est-à-dire les derniers 80 cm de l'ion. Plus ou moins des onces, environ 80 cm, il n'y a pas de diverticule. Avec le siège terme, quand il gagne dans un diverticule, ce n'est pas de diverticule de l'ion. Donc, le terme. La partie, donc, les 80, 60 ou la 80 cm, c'est quoi? Ça correspond en la terminaison de l'artère mésentérique supérieure. Donc, si on a l'artère mésentérique supérieure, c'est deux vaisseaux principaux qui vascularisent le type digestif. Qui te gagne en praxis? Vous êtes maintenant touché en praxis de l'artère mésentérique. À ta gauche. Laisse-moi je te. L'infarctus iliomysentérique, c'est-à-dire. Tu bouges à l'artère, elle va se boucher. Tu veux de l'infarctus iliocardique? Oui. Tu veux de la carte? Non. C'est essentiel. L'artère, elle, c'est une artère principale pour vasculariser le type digestif. Qui se casse l'artère, elle, là, il n'y a pas de survie. Donc, pratiquement, le type digestif va nécroser. Tout le grain, le trop asymétrique, c'est beau. Donc tout le gras est vascularisé par la terre des antérieurs. Et le colon droit, tout le colon droit, pratiquement égal de colon gauche, le colon gauche, c'est la terre des antérieurs qui est inférieure. Il n'y a que ce petit inférieur qui est. Donc l'estomac, c'est autre chose. L'estomac. Qui veut l'estomac, ce n'est pas compatible avec la série. On peut enlever l'estomac, tout l'estomac, mais en même temps, on dit tout le gras. Donc, relié à l'ombilic par une bride ou les vaisseaux d'air, on a de ses propres vaisseaux. La particularité, pourquoi on traite ce radin, il a une muqueuse hétérotopique. Attendez, hétérotopique. C'est-à-dire une muqueuse de type gastrique. L'estomac, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac? La muqueuse gastrique, qu'est-ce qu'il peut donner? Donc, il peut s'ulcérer. Donc, il peut y avoir un ulcère d'un tableau d'appendicite mésocéliaque. Il peut donner, on a rappelé ce diagnostic différentiel, divers types de méthodes. Il peut saigner. Donc, il peut hémorrager l'ulcère qui saigne. L'ulcère gastrique au niveau de diversité. Donc, c'est un gonne muqueuse gastrique pour le porter. Donc, il peut perforer à l'origine des péritonites, d'origine diverticulaire, par perforation de la diversité. Donc, il peut s'infecter, il peut s'insérer, il peut saigner, il peut perforer. Donc, comme il a une bride, voilà, il a une vaisseau qui le relie à l'embélic, ça peut constituer un axe de torsion. Donc, les anses peuvent se tordre autour d'eux. De cette bride, il consiste ce qu'on appelle un volvulus du grain. Donc, une occlusion par volvulus autour d'un diverticule de mètre. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est du particulier. Pourquoi il est dit tout seul? Donc, avant, il n'y avait pas de diverticule de mètre. Un drame des caractéristiques. Est-ce qu'il y a une question qui est? Donc, il faut le chercher systématiquement. Si on opère un appendice qui nous paraît macroscopiquement simple. C'est bon. On passe à la main. Oui. Un peu plus de la. Oui. Donc, j'ai pris pour résumer le traitement. Donc, là, il y a l'avènement de la radiologie interventionnelle à dire que tu as. Il y a le traitement par voie classique, chirurgie, donc une petite incision de main vernie. Il y a la cilioscopie. La cilioscopie. Il n'y a pas de différence. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Chaque technique a ses complications et ses avantages. D'accord? Donc le choix revient au malade. Le temps, c'est le même. C'est un premier temps. Généralement, le premier temps, c'est la confirmation. Donc c'est l'exploration, confirmation, diagnostic, et test. Parce que c'est l'appendicite, donc c'est explore. Soit placé, ou tu vois. D'accord. Deuxième temps, il faut dégager les vaisseaux, l'artère et la ventale, donc c'est le viseau appendiculaire. Troisième temps, c'est la ligature, la base appendiculaire, maintenant c'est l'équilibre. Donc c'est ça, c'est libre. Deuxième temps, c'est l'appendice. Notre temps, c'est l'appendice tombé. D'accord. Alors, c'est l'exploration. Donc, il faut confirmer le diagnostic si c'est une appendicite. Deuxième temps, si c'est une appendicite, il faut ligaturer les vaisseaux. Troisième temps, il faut ligaturer l'appendice, la base appendiculaire. Et quatrième temps, faire l'appendicite. Donc, il coupe l'appendice. D'accord? Donc, ça, c'est une voie classique. Après, c'est l'appendice, action. L'appendice malade. Ça, si c'est un appendice normal, ça cache les vaisseaux. C'est un appendice hyperimique, avec des fausses membranes, donc c'est de la fibrine. Et vous voyez un appendice pleine. Donc, ton rythme, il va donc bien. Là, ça, c'est un appendice en voile, donc abscédé. D'accord. Voilà, si appendicite non confirmé à l'exploration, donc il faut chercher systématiquement le divers type de cœur. Ici, la jeune femme, il faut chercher un problème annexiel. Principalement, le plus fréquent, c'est le dysploration. Pas de voir. En conclusion, on revient sur la femme enceinte. Est-ce que vous posez la question sur la femme enceinte? Bon. La femme enceinte, ça dépend du stade de la grossesse. D'accord? Diagnostic certain, il faut opérer. Et si la même voie d'abord, c'est la voie d'abord, généralement, on opère par voie classique. Pour protéger la grossesse, il y a ce qu'on appelle la tocolyse. Il faut donner des médicaments qui empêchent la dilatation et l'ouverture du col. Et empêchent de déclencher la douleur, généralement, soit c'est le salbutamol. On utilise le salbutamol à la fois sereine. Sereine limitrée. Atomie en bon, quand la posologie nécessaire pour la fonction du poids. On traduit généralement à 2 cc, c'est-à-dire la seringue a dit, injecte 2 cc chaque heure. Elle dit pour protéger. Laquelle dernier trimestre? Voilà, au cours du travail, il faut réaliser généralement soit directement une appendicite et une césarienne, ou alors il faut faire une appendicitomie et déclencher le malade à faire un travail. Mais alors, il faut protéger l'enfant, la grossesse, quel que soit l'âge. Donc il n'y a pas de supériorité, le diagnostic reste toujours difficile. Intérêt, il y a le diagnostic difficile. On a recours les examens paracliniques et les scores biocliniques. Donc, on essaie pour éviter les laparotomies blanches, 25%. Donc, on essaie de ne pas opérer toutes les douleurs. Moi, je dis que j'ai douleur. Donc, tout bien, les résidents, j'étais né au périple. J'ai un que, voilà, monsieur, on a appendicite. J'ai tout gagné de 5 appendicites. Donc, donc, ça dépend. J'ai mis signaux identiques à la chirurgie classique. Donc, c'est malade, si le choix revient au malade, on a le. Donc, certains. Voilà, par exemple, un exemple, le score de François. Score de François, voilà, c'est le sexe. L'âge, la durée d'évolution des symptômes, la défense du perlococytose. Donc, chaque paramètre est coté. Donc, voilà. Sexe, plus 2, 1, si sexe féminin, moins 1. Âge, entre 50, plus 3, entre 20 et 39, moins 1. Donc, c'est ça. Et en fonction, en classe, bon, je reviens sur le prix que ça a joué. Le score de François, qu'est-ce qu'il dit? François, c'est pour vous, trois semaines, utiliser le même maximité. Le ministère, trois dire stage manager, la garde manager, qui j'ai qu'un malade, il gagne une fièvre à 38. Donc, il gagne. Une défense de la procédure carotide, ou bien une hyperleucocytose. Diagnostic 100% d'appendicite. Trois signes, s'il n'y a pas de signes, la fièvre est inférieure à 38, il n'y a pas de défense, ou globule, pas d'appendicite à 100%. Qui te augmente de l'hyperleucocytose, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de défense, ou il n'y a pas de température. Donc, l'appendicite, c'est l'infection. Donc, pratiquement, le score de Flamand en résiste. Bon. Le diagnostic et les positions par voici. Défense, Pierre, tu perds le principe. Si tu es un handicap, tu peux dire maintenant à ta porte un peu simple, monsieur, j'ai une entreprise. D'accord. D'accord, maintenant, je vais aller faire Donc il y a des examens complémentaires, l'imagerie.